La lecture du soir sur la radio des bons coups. La bonne lecture. Pour s'endormir tout en écoutant. La lecture du soir avec Mona. Bonsoir et bienvenue sur les lectures nocturnes de Radio Boncon. Dans l'épisode précédent, Hermione a été très badass. Elle a giflé Malfoy après qu'il ait insulté Hagrid, et elle a envoyé chier la professeure de divination. Du coup, Ron et Harry ont enfin arrêté de lui faire la gueule. De son côté, Harry a revu ce qu'il pensait être le Sinistros, mais comme il se baladait tranquillement dans le parc avec bâton rond, ça a laissé Harry perplexe parce que ce n'est pas vraiment une attitude digne d'un présage de mort. Mais la victoire de la Coupe de Quidditch par Gryffondor a complètement éclipsé tout le reste. Voilà, maintenant que vous êtes à jour, on y retourne. L'état d'euphorie dans lequel la victoire de la Coupe de Quidditch avait plongé Harry dura une bonne semaine. Même le temps semblait participer à la fête. À l'approche des premiers jours de juin, le ciel se dégageait de ses nuages, la température augmentait, et les élèves n'avaient plus d'autre envie que de s'allonger dans l'herbe avec quelques pintes de jus de citrouille bien frais à portée de main. Mais c'était malheureusement impossible. Les examens étaient imminents et, au lieu de paraisser au soleil, tout le monde était forcé de rester dans le château à se concentrer sur de gros volumes, sans céder aux appels de la brise printanière qui s'insinuait par les fenêtres. Même Fred et George Weasley avaient été surpris à travailler. Ils devaient passer leur buse, brevet universel de sorcellerie élémentaire. Percy, lui, préparait son aspic, accumulation de sorcellerie particulièrement intensive et contraignante, le plus haut diplôme délivré à Poudlard. Comme il avait l'intention d'entrer au ministère de la magie, il lui fallait figurer en tête du classement. Il devenait donc de plus en plus irritable et distribuait de sévères punitions à quiconque troublait la tranquillité de la salle commune. La seule personne qui semblait encore plus anxieuse que Percy, c'était Hermione. Harry et Ron avaient renoncé à lui demander comment elle s'y prenait pour assister à plusieurs cours en même temps, mais ils ne purent s'empêcher de reposer une dernière fois la question lorsqu'ils virent le programme de ces épreuves d'examen. Dans la première colonne, on lisait « Lundi, 9h arithmancie, 9h métamorphose, déjeuner, 13h sortilège, 13h études de runes. » Hermione, dit prudemment Ron, sachant qu'elle était sujette aux explosions de colère lorsqu'on la dérangeait. Tu es sûre que tu ne t'es pas trompée en copiant tes horaires ?»« Quoi ?» répondit sèchement Hermione en examinant son emploi du temps. « Non, bien sûr que non, je ne me suis pas trompée. »« Est-ce qu'on peut te demander comment tu comptes passer deux examens en même temps ?» demanda Harry. « Non, » répondit Hermione agacée, et elle se replongea dans ses livres. Au même moment, Edwige s'engouffra par la fenêtre, une lettre dans le bec. « C'est Hagrid, » dit Harry en ouvrant l'enveloppe. « L'audience en appel a été fixée au 6. Ce sera le dernier jour des examens, » dit Hermione. « Et c'est ici que l'audience aura lieu, » dit Harry qui continuait de lire la lettre. « Il y aura un délégué du ministère de la magie et un bourreau. » Hermione releva brusquement la tête. « Ils font venir le bourreau en appel? Ça veut dire qu'ils ont déjà pris leur décision ?»« En effet, » dit lentement Harry. « Impossible !» s'exclama Ron. « J'ai passé un temps fou à lire des trucs pour lui. Ils ne vont quand même pas refuser d'écouter ça !» Mais Harry avait la terrible impression que M. Malfoy avait déjà réussi à convaincre les membres de la commission. Drago, qui s'était montré étonnamment réservé depuis le triomphe de Gryffondor lors de la finale de Quidditch, avait repris ses airs bravages depuis quelques jours. D'après les commentaires narquois que Harry l'avait entendu faire, il y avait la certitude que Buck serait mis à mort et paraissait enchanté d'en être la cause. Dans ces occasions-là, Harry avait du mal à se retenir d'imiter Hermione et d'aller frapper Malfoy. Le pire, c'était qu'il n'avait ni le temps ni la possibilité d'aller voir Hagrid en raison des strictes mesures de sécurité toujours en vigueur. Et Harry n'osait pas aller récupérer sa cape d'invisibilité sous la statue de la sorcière Borne. Pendant la semaine des examens, le château connut un silence inhabituel. Le lundi, les troisièmes années avaient le teint grisâtre en sortant de leur épreuve de métamorphose. Parmi les exercices imposés, ils avaient dû changer une théière en tortue, et Hermione exaspéra tout le monde en se plaignant que la sienne avait l'air d'une tortue marine, alors qu'il aurait fallu faire une tortue terrestre. Après un rapide déjeuner, ils passèrent l'épreuve de sortilège. Hermione avait eu raison. Le professeur Flitwick avait choisi pour sujet les sortilèges d'allégresse. Lorsqu'ils eurent dîné, les élèves se précipitèrent dans leurs salles communes respectives pour réviser les épreuves du lendemain. Au matin, Hagrid fit passer l'examen de soins aux créatures magiques. Il paraissait très inquiet et semblait avoir la tête ailleurs. Jamais un examen n'avait été aussi facile à réussir, et Harry, Ron et Hermione eurent tout le temps de lui parler. « Buck est un peu déprimé, » leur dit Hagrid en se penchant vers eux. « Ça fait trop longtemps qu'il est enfermé. On sera fixé après-demain. » Comme il pouvait s'y attendre, l'épreuve de potion se passa très mal pour Harry, et Rogue gribouilla dans son carnet quelque chose qui ressemblait à un zéro. L'avant-dernier examen se déroula le jeudi matin. Il s'agissait de l'épreuve de défense contre les forces du mal. Professeur Lupin avait organisé dans le parc une sorte de course d'obstacles au long de laquelle ils devaient affronter les diverses créatures dont ils avaient appris à se protéger. L'épreuve se terminait par un combat contre un épouvantard caché dans une malle. « Excellent !» murmura Lupin lorsque Harry eut terminé. « 20 sur 20 !» À la fin de l'examen, Harry, Ron et Hermione retournèrent au château et se figèrent sur place en voyant un visiteur inattendu debout en haut des marches. Cornelius Fudge, qui transpirait légèrement, était vêtu de son habituelle cape à rayures. Il sursauta lorsqu'il reconnut Harry. « Bonjour, Harry, lança-t-il. J'imagine que tu viens de passer un examen. C'est presque fini ?»« Oui, répondit Harry. »« Belle journée, » dit Fudge en jetant un coup d'œil au lac. « Dommage, dommage. » Il poussa un profond soupir et regarda à nouveau Harry. « Je suis venu remplir une mission bien désagréable. La commission d'examen des créatures dangereuses a demandé un témoin pour assister à la mise à mort d'un hippogriffe atteint de folie. Comme je devais me rendre à Poudlard pour voir où en est l'affaire Sirius Black, c'est moi qui ai hérité de la corvée. » L'audience en appel a déjà eu lieu ? Intervint Ron en s'avançant vers le ministre. Non, elle est prévue cet après-midi, répondit Fudge qui regarda Ron d'un air intrigué. Dans ce cas, il n'y aura peut-être pas du tout de mise à mort, dit Ron d'un ton décidé. L'hippogriffe sera peut-être épargné. Mais avant que Fudge ait eu le temps de répondre, deux sorciers sortirent du château derrière lui. L'un d'eux était si âgé qu'il donnait l'impression de se ratatiner à vue d'œil. L'autre était grand et robuste, avec une fine moustache noire. Harry devina qu'il s'agissait des représentants de la commission, car le vieux sorcier plissa les yeux en regardant la cabane de Hagrid et dit d'une voix faible. « mon Dieu, je me fais trop vieux pour ce genre de choses. C'est prévu à 14 heures, n'est-ce pas, Fudge ?» L'homme à la moustache noire tripotait quelque chose accroché à sa ceinture. Harry regarda attentivement et vit qu'il passait son large pouce sur le tranchant d'une hache à la lame étincelante. Ron ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais Hermione lui donna un vigoureux coup de coude dans les côtes et fit un signe de tête en direction du château. « Pourquoi tu n'as pas voulu que je parle ?» protesta Ron avec colère lorsqu'ils entrèrent dans la grande salle pour aller déjeuner. « Tu les as vus ? La hache est déjà prête ! C'est ça qu'on appelle la justice ?»« Ron, ton père travaille au ministère, tu ne peux pas dire des choses comme ça à son patron, » répondit Hermione qui paraissait tout aussi scandalisée que lui. « Si Hagrid garde son sang-froid cette fois-ci, et qu'il défend bien sa cause, ils ne peuvent tout de même pas exécuter Buck. » Harry, cependant, voyait bien qu'Hermione ne croyait pas vraiment à ce qu'elle disait. Autour d'eux, les élèves surexcités parlaient avec entrain de la fin des examens, dont le dernier avait lieu l'après-midi. Mais Harry, Ron et Hermione, très inquiets pour Hagrid et pour Buck, ne participaient pas à l'enthousiasme général. Pour leur dernier examen, Harry et Ron devaient passer l'épreuve de divination, et Hermione celle de l'étude des moldus. « Elle nous prend un par un, » dit Neville à Ron et à Harry lorsqu'ils rejoignirent les autres qui attendaient sous la trappe. « Vous avez déjà vu quelque chose dans une boule de cristal, vous » ajouta-t-il d'un air affligé. « Non, » répondit Ron, l'esprit ailleurs. Il ne cessait de consulter sa montre, attendant le moment où devait avoir lieu le recours en appel de Buck. Chaque fois qu'un élève redescendait l'échelle d'argent après avoir subi l'examen, les autres chuchotaient d'un air anxieux. « Alors, ça s'est bien passé ? Qu'est-ce qu'elle a demandé ?» Mais tout le monde refusait de répondre. « Elle a vu dans la boule de cristal que si je vous disais quoi que ce soit, j'aurais un horrible accident, » couina Neville en redescendant l'échelle. « C'est pratique, » grogna Ron. « Je commence à penser qu'Hermione avait raison. Tout ça, c'est de la mystification. » « Oui, » dit Harry en regardant sa propre montre. Il était 2 heures de l'après-midi. « J'aimerais bien qu'elle se dépêche un peu, » ajouta-t-il. Parvati descendit l'échelle. Elle avait l'air très contente d'elle. « Elle a dit que j'avais toutes les qualités d'une vraie voyante, » annonça-t-elle à Ron et à Harry. « J'ai vu énormément de choses. Bonne chance !»« Ronald Weasley !» dit la voix familière au-dessus de leur tête. Ron fit une grimace et monta l'échelle. Harry était à présent le dernier candidat. Il s'assit par terre, le dos contre le mur, écoutant une mouche qui volait devant la fenêtre ensoleillée. Il pensait à Hagrid. Enfin, au bout de 20 minutes, les pieds de Ron réapparurent sur l'échelle. « Comment ça s'est passé ?» demanda Harry en se relevant. « Très mal, » répondit Ron. « Je ne voyais rien du tout, alors j'ai inventé quelque chose, mais je crois qu'elle n'était pas convaincue. »« Je te retrouve dans la salle commune, » murmura Harry tandis que le professeur Trelawney appelait son nom. La petite pièce confinée était plus étouffante que jamais, et les habituels parfums qui flottaient dans l'air firent tousser Harry lorsqu'il s'avança d'un pas chancelant vers le professeur Trelawney, assise devant une grosse boule de cristal. « Bonjour, mon cher, » dit-elle à voix basse. « Si vous voulez bien plonger votre regard dans cette sphère, prenez votre temps. Vous me direz ensuite ce que vous aurez vu. » Harry se pencha sur la boule de cristal et regarda aussi fixement que possible, avec la volonté de voir autre chose que des volutes de fumée, mais rien ne se produisit. « Alors ?» demanda le professeur Trelawney d'une voix douce. La chaleur était insupportable et les senteurs ambiantes lui picotaient les narines. Harry repensa à ce que Ron lui avait dit et lui aussi décida d'inventer quelque chose. « Je vois une forme sombre, » prétendit-il. « À quoi ressemble-t-elle ? » murmura le professeur Trelawney. « Réfléchissez bien. » Harry sauta sur la première pensée qui lui vint à l'esprit. « À un hippogriffe, » dit-il d'un ton assuré. « Vraiment ?» chuchota le professeur Trelawney en griffonnant rapidement quelque chose sur le parchemin posé sur ses genoux. « Mon garçon, vous êtes sans doute en train de voir comment vont se terminer les ennuis de ce pauvre Hagrid avec le ministère de la magie. Regardez bien. Est-ce que l'hippogriffe a toujours sa tête ?»« Oui, » affirma Harry. « Vous êtes sûr ? Vraiment sûr, mon garçon ? Vous ne le voyez pas en train de se tordre sur le sol avec une silhouette sombre qui brandit une hache derrière lui ?»« Non, » répondit Harry qui commençait à ne pas se sentir très bien. « Pas de sang ? Vous ne voyez pas Hagrid en train de pleurer ?»« Non, » répéta Harry. Il n'avait plus qu'une idée en tête, fuir cette pièce et sa chaleur étouffante. « Au contraire, il a l'air en pleine forme. Il s'envole !» Le professeur Trelawney soupira. « Eh bien, mon garçon, je crois que nous allons en rester là. C'est un peu décevant, je ne vous le cache pas. » Mais je suis sûre que vous avez fait de votre mieux. » Soulagé, Harry se leva, ramassa son sac et s'apprêtait à s'en aller, lorsqu'une voix dure et sonore retentit derrière lui. « Ça se passera ce soir !» Harry se retourna. Le professeur Trelawney était figé dans son fauteuil, le regard vague, la mâchoire pendante. « Pardon ?» dit Harry. Mais le professeur ne semblait pas l'entendre. Ses yeux se mirent à rouler dans leurs orbites. Harry, paniqué, resta là à le regarder. Elle semblait sur le point d'avoir une crise de quelque chose. Il hésita en se demandant s'il devait se précipiter à l'infirmerie. Puis le professeur reprit la parole de cette même voix dure, si différente de celle qu'on lui connaissait. « Le Seigneur des Ténèbres est là, solitaire, abandonné de ses amis. Pendant 12 ans, son serviteur a été enchaîné. Ce soir, avant minuit, le serviteur brisera ses chaînes et ira rejoindre son maître. Avec l'aide de son serviteur, le Seigneur des Ténèbres surgira à nouveau plus puissant et plus terrible que jamais. » Ce soir, avant minuit, le serviteur ira rejoindre son maître. » La tête du professeur Trelawney tomba sur sa poitrine. Elle laissa échapper une sorte de grognement, puis, brusquement, elle se redressa. « Je suis désolée, mon garçon, » dit-elle comme perdue dans un rêve. « La chaleur, sans doute. Je me suis assoupie pendant un instant. » Harry, immobile, continuait de la regarder. « Qu'y a-t-il, mon garçon ? Vous venez de me dire que le Seigneur des Ténèbres va surgir à nouveau. » « Que son serviteur s'apprête à le rejoindre. » Le professeur Trelawney eut l'air surpris. « Le Seigneur des Ténèbres ? Celui dont on ne doit pas prononcer le nom ? Mon garçon, ce n'est pas un sujet de plaisanterie. Surgir à nouveau, voyez-vous ça ? C'est ce que vous venez de dire. Vous avez dit que le Seigneur... »« Vous aussi, vous avez dû vous assoupir, » coupa le professeur Trelawney. « Jamais je ne m'aventurerai à prédire quelque chose d'aussi invraisemblable. » Harry redescendit l'échelle, puis l'escalier, en se posant des questions. Professeur Trelawney avait-elle fait une véritable prédiction ? Ou bien avait-elle voulu l'impressionner pour pimenter un peu la fin des examens ? 5 minutes plus tard, Harry arriva en courant à la tour de Gryffondor. La salle commune était presque déserte. Seuls Ron et Hermione étaient là, assis dans un coin. « Le professeur Trelawney, » dit Harry hors d'haleine, « vient de me raconter que... » Mais il s'interrompit en voyant l'expression de leur visage. « Hagrid a perdu, » dit Ron d'une voix faible. « Il vient de nous envoyer ça. » Cette fois, le mot de Hagrid ne portait pas de traces de larmes. Mais ses mains avaient tellement tremblé que son écriture était à peine lisible. « Avons perdu en appel. Ils vont le mettre à mort au coucher du soleil. Vous ne pouvez plus rien faire. Ne venez pas, je ne veux pas que vous regardiez ça. » Hagrid. « Il faut y aller, » dit aussitôt Harry. « On ne peut pas le laisser tout seul à attendre le bourreau. »« Au coucher du soleil, » dit Ron qui regardait par la fenêtre d'un œil éteint. « On n'aura jamais le droit de sortir. Surtout toi, Harry. Si seulement on avait la cape d'invisibilité, » dit Harry, l'air songeur. « Où est-elle ? » demanda Hermione. Harry lui raconta qu'il l'avait laissé dans le passage secret sous la statue de la sorcière borne. « Si jamais Rogue me voit encore dans ce coin-là, j'aurai de sérieux ennuis, » ajouta-t-il. « C'est vrai, » dit Hermione en se levant. « Si c'est toi qui le vois, comment on fait pour ouvrir la bosse de la sorcière ? » ?»« Il faut lui donner un coup de baguette magique en disant Dissendium, mais... » Hermione n'attendit pas qu'il ait terminé sa phrase. Elle traversa la salle à grands pas, poussa le portrait de la grosse dame et disparut. « Elle ne va quand même pas aller la chercher elle-même, » dit Ron, les yeux ronds. Un quart d'heure plus tard, cependant, Hermione était de retour avec la cape d'invisibilité soigneusement pliée sous sa robe. « Hermione, qu'est-ce qui t'arrive ces temps-ci ? » s'exclama Ron. « D'abord, tu donnes une gifle à Malfoy, ensuite tu quittes le cours du professeur Trelawney. » L'air admiratif de Ron sembla flatter Hermione. Ils descendirent dîner avec les autres, mais à la fin du repas, au lieu de retourner à la tour de Gryffondor, ils allèrent se cacher dans une classe vide à proximité du hall d'entrée. Lorsqu'ils n'entendirent plus aucun bruit, Hermione passa la tête par la porte entrebâillée. « Ça va, » dit-elle, « on peut y aller. » Ils se recouvrirent de la cape que Harry avait dissimulée sous sa robe de sorcier, traversèrent le hall sur la pointe des pieds, puis descendirent les marches jusqu'à la pelouse. Le soleil se couchait déjà derrière la forêt interdite, entourant d'un liseré d'or les plus hautes branches des arbres. Lorsqu'ils frappèrent à la porte de la cabane, Hagrid mit un long moment à venir leur ouvrir. Il avait le teint pâle et tremblait de tout son corps. « C'est nous !» chuchota Harry. « On a mis la cape d'invisibilité. Laissez-nous entrer, qu'on puisse l'enlever. »« Vous n'auriez pas dû venir !» murmura Hagrid en s'écartant pour les laisser passer. Il referma rapidement la porte et Harry enleva la cape. Hagrid ne pleurait pas. Il ne leur tomba pas dans les bras. Il avait l'air de ne plus savoir où il en était et son désarroi était bien plus déchirant que des larmes. « Vous voulez du thé ?» demanda-t-il. Ses mains tremblaient lorsqu'il prit la bouilloire. « Où est Buck ?» demanda Hermione d'une voix hésitante. « Je l'ai sorti, » répondit Hagrid en reversant du lait sur la table. « Il est attaché dans le potager. J'ai pensé qu'il aimerait bien voir les arbres et respirer un peu d'air frais avant... » Ses mains tremblaient si violemment que le pot au lait lui échappa et se brisa sur le sol. « Je vais arranger ça, Hagrid, » dit Hermione qui se dépêcha d'essuyer par terre. « Il y a un autre pot dans le buffet, » dit Hagrid en s'essayant et en s'essuyant le front d'un revers de manche. Harry et Ron échangèrent un regard désolé. « Est-ce qu'on peut faire quelque chose, Hagrid ?» demanda Harry d'un ton décidé. « Dumbledore ?»« Il a essayé, » répondit Hagrid. « Mais il n'a pas le pouvoir d'annuler une décision de la commission. Il leur a dit que Buck n'était pas dangereux. Mais ils ont peur. Vous connaissez Lucius Malfoy. J'imagine qu'il les a menacés. Et McNair, le bourreau, est un vieil ami de Malfoy. Mais au moins ça ira vite, et je serai à côté de lui. » Hagrid, la gorge nouée, jeta des regards autour de lui comme s'il cherchait désespérément le moindre espoir auquel se raccrocher. « Dumbledore va venir quand ça se produira. Il m'a écrit ce matin. Il m'a dit qu'il veut être avec moi. Un grand homme, Dumbledore. » Hermione, qui avait fouillé dans le buffet pour chercher un autre pot au lait, laissa échapper un sanglot étouffé. Elle se redressa, le pot à la main, en se retenant à grande peine de pleurer. « Nous aussi, on va rester avec vous, » dit-elle. Mais Hagrid hocha sa tête hirsute. « Il faut que vous retourniez au château, » répliqua-t-il. « Je vous l'ai dit, je ne veux pas que vous regardiez ça. Et de toute façon, vous ne devriez pas être ici. Si Fudge et Dumbledore te voient dehors sans autorisation, Harry, tu auras de gros ennuis. » Des larmes silencieuses coulaient à présent sur les joues d'Hermione, mais elle les cacha à Hagrid en s'affairant à préparer le thé. Soudain, au moment où elle prenait la bouteille de lait pour remplir le pot, elle poussa un cri perçant. « Ron ! C'est incroyable ! Croutard !» Ron la regarda, bouche bée. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Hermione se précipita vers la table et retourna le pot au lait. Criant et se débattant frénétiquement, Croutard glissa alors du pot et tomba sur la table. « Croutard ?» dit Ron d'une voix blanche. « Croutard ! Qu'est-ce que tu fabriques ici ?» Il attrapa le rat qui continuait à se débattre et le regarda à la lumière. Croutard était dans un état épouvantable. Plus maigre que jamais, il avait complètement pelé par endroits et se tortillait dans les mains de Ron comme s'il cherchait à tout prix à s'enfuir. « Du calme, Croutard !» dit Ron. « Il n'y a pas de chat ici. Personne ne cherche à te faire du mal !» Hagrid se leva soudain, les yeux fixés sur la fenêtre. Son teint d'habitude coloré avait pris la teinte jaunâtre d'un vieux parchemin. « Ils arrivent !» dit-il. Harry, Ron et Hermione se retournèrent et virent au loin un groupe d'hommes qui descendaient les marches du château. À leur tête, ils reconnurent Albus Dumbledore, sa barbe d'argent scintillant dans la lumière du crépuscule. Cornelius Fudge trottinait à côté de lui. Le vieillard de la commission et le bourreau les suivaient. « Il faut que vous partiez !» dit Hagrid en tremblant des pieds à la tête. « Il ne faut pas qu'il vous trouve ici. Filez vite !» Ron enfonça de force Croutard dans sa poche et Hermione prit la cape. « Je vais vous faire sortir par derrière !» dit Hagrid. Ils le suivirent jusqu'à la porte qui donnait sur le potager. Harry avait l'impression de vivre quelque chose d'irréel, surtout lorsqu'il vit Buck attaché à la clôture, un peu plus loin, derrière les plantes citrouilles. L'hippogriffe semblait deviner que quelque chose se préparait. Il tournait la tête en tous sens et ses pattes martelaient nerveusement le sol. « Ne t'inquiète pas, Bucky !» dit Hagrid d'une voix douce. « Ne t'inquiète pas !» Il se tourna vers Harry, Ron et Hermione. « Allez-y » dit-il. « Partez !» Mais ils ne bougèrent pas. « Hagrid, on ne peut pas... On va leur dire ce qui s'est vraiment passé. Ils ne peuvent pas le tuer. Filez !» dit Hagrid d'un ton féroce. « C'est déjà suffisamment difficile. Inutile de chercher les ennuis. » Ils n'avaient pas le choix. Tandis qu'Hermione jetait la cape sur la tête de Harry et de Ron, ils entendirent des voix à l'entrée de la cabane. « Dépêchez-vous !» leur dit Hagrid. « N'écoutez pas !» Et il retourna à grands pas vers sa cabane pour aller ouvrir la porte à laquelle on venait de frapper. Lentement, dans une sorte de transe angoissée, Harry, Ron et Hermione, à présent invisibles, contournèrent silencieusement la cabane. Lorsqu'ils furent passés de l'autre côté, ils entendirent la porte d'entrée se refermer avec un claquement sec. « Dépêchez-vous, s'il vous plaît !» chuchota Hermione. « Je n'en peux plus !» Ils remontèrent la pente douce qui menait au château. Le soleil plongeait à l'horizon. Le ciel avait pris une teinte grise mêlée de lueurs pourpres, tandis qu'à l'ouest scintillait un halo rouge couleur de rubis. Ron s'immobilisa soudain. « Ron, je t'en prie, murmura Hermione. « C'est Croutard, » dit Ron. « Il ne veut pas rester en place. » Ron était penché en avant, essayant de maintenir Croutard dans sa poche, mais le rat s'agitait comme un diable. Il poussait de petits cris et se tortillait frénétiquement, donnant des coups de patte en tous sens. Il tenta même de mordre les mains de Ron. « Croutard, c'est moi, espèce d'idiot !» souffla Ron. Ils entendirent une porte s'ouvrir derrière eux, puis des voix d'hommes. « Ron, allons-y, il s'apprête à le tuer !» murmura Hermione. « D'accord. Croutard, tiens-toi tranquille !» Ils reprirent leur marche. Harry, tout comme Hermione, essayait de ne pas entendre la rumeur des voix dans leur dos. Ron s'arrêta à nouveau. « Je n'arrive pas à le tenir, » dit-il. « Croutard, arrête! Tout le monde va nous entendre !» Le rat poussait des petits cris féroces, mais pas assez puissants pour couvrir les bruits qui provenaient du jardin de Hagrid. Il y eut un mélange de voix indistinctes, un moment de silence, puis, brusquement, le sifflement caractéristique d'une hache qui s'abattait dans un choc sourd. Hermione vacilla. « Ils l'ont fait, » murmura-t-elle. « Je n'arrive pas à y croire. Ils l'ont fait !» La lecture du soir sur la radio des bons coins. La bonne lecture. Pour s'endormir.